paye 100%. Parce que t'as choisi ta vie, on veut te faire du rond dedans. Subir sans cesse n'est pas la solution. S'en sortir, non, ce n'est pas de la fiction. Y'a qu'un moyen de gravir les échelons. C'est de savoir choisir la voie de la guérison. Raise your mind and think of living in. Juste là.